Mosaïque. Bonjour chères auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le Burundi totalise 52 ans après la chute de la monarchie et l'avènement de la République après le coup de force du capitaine Michel Micombero, c'était le 28 novembre 1966. La déposition du roi s'est déroulée dans un contexte de crise politique, moins de deux ans après l'assassinat du premier ministre Hutu Pierre Ngendandumwe et l'attaque du palais royal en octobre 1965, une attaque attribuée aux militaires Hutu. Le coup de force de Micombero est intervenu en l'absence du roi Mwambutsa et le fils Charles, devenu roi, qui lui avait succédé dans des circonstances troubles dont la légitimité devenait de plus en plus problématique. Dans ce nouveau système de la République, les partis ont été supprimés, sauf le parti Prona, devenu parti unique. Dans la suite des coups d'État qui se sont succédés et des crises politiques, on peut citer les crises de 1988 et 1972. 52 ans avec le système de République au Burundi, quel est l'héritage de ce système? Quelles sont les leçons apprises? Des années passent, une rétrospective en passant par la comparaison de deux systèmes ne serait pas de trop dans Mosaïque d'aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons dans Mosaïque ambassadeur Guillaume Rozovio, président du parti monarchiste et parlementaire du Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour monsieur Chubahiro, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous accueillons également ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé de la communication au parti FNL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie de l'invitation. Je salue aussi tous les Burundais qui nous écoutent. Nous accueillons également honorable Tassien Sibomana, élu au sein de la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Je vous salue et je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Jérôme Nyonzima assure la réalisation. François Akimana est à la technique. Pacifique Chubahiro à l'animation de Mosaïque. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Ambassadeur Guillaume Rozovio, 52 ans après le coup de force du capitaine Michel Micombero et la déposition du roi, quel est votre sentiment au niveau du parti monarchiste et parlementaire du Burundi? 52 ans après la déposition, comme vous dites, du roi Ntare V, aujourd'hui, nous considérons que c'est un anniversaire. Mais c'est un anniversaire pour le membre du parti qui a été célébré dans la méditation, dans le silence. Et il y a un anniversaire qui n'est pas du tout réjouissant pour nous, vous comprenez, parce que nous considérons que tous les éléments qui ont conduit à la chute de la monarchie en 1966 n'étaient pas évidents comme des réponses à d'éventuels défauts ou à d'éventuels problèmes qu'il y avait, vous comprenez. Donc, vous me demandez mon sentiment, je vous dis que c'est un sentiment de méditation, d'analyse, d'observation pour voir ce qui devrait être changé, c'est les leçons qu'on pourrait tirer de ce régime monarchique qui a duré plus de trois siècles. Nous y reviendrons au cours de l'émission, mais pour les Burundais, 50 ans, c'est une longue période. Pouvez-nous nous résumer? J'ai parlé tantôt d'une crise politique qui prévalait à ce moment. Quels sont les éléments qui ont fait que la monarchie soit dans une situation où on arrive même à penser à la mettre fin? Moi, je crois que le coup d'État de 1966 était vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps. Nous sommes en 1966. Beaucoup de régimes monarchiques sont en train de tomber sous les coups des jeunes militaires un peu partout en Afrique. Et moi, je me souviens bien que le coup d'État du capitaine Michombero est arrivé et après le passage du secrétaire général de l'ONU, de l'OUA, Diallo Telli. Et il paraîtrait que, je n'en suis pas sûr, mais il paraîtrait qu'il aurait soufflé à l'oreille des militaires qu'il est temps de se débarrasser de ces régimes, de ce régime monarchique au Burundi, comme un peu partout en Afrique. Vous comprenez? Alors, donc. Mais il avait en même temps sauvé la monarchie en 1965 avec l'attaque du palais royal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que responsable de l'armée, il sentait de plus en plus le danger pour le Burundi et que c'était devenu un pays ingouvernable en passant par le système monarchique? Mais non, je ne crois pas qu'en 1966, le pays était devenu ingouvernable, je ne crois pas. Et puis, l'analyse que vous faites, que c'est le capitaine Michombero qui aurait sauvé la monarchie en 1966. Et une année plus tard, c'est lui qui renverse la monarchie. Donc, vous comprenez la contradiction. C'est pour vous dire que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit le capitaine Michombero qui a sauvé la monarchie en 1965. En 1965, nous nous retrouvons face à une mutinerie militaire conduite par des leaders hutus. Mais vous savez, les militaires hutus, ce sont les militaires hutus du palais eux-mêmes qui ont défendu la monarchie, qui ont défendu le roi Mwambutsa. Donc, les crises qui se sont répétées depuis l'indépendance. Il y a eu effectivement beaucoup de crises. Il y a eu, comme vous l'avez dit, l'assassinat du premier ministre Ngendandoum. Mais avant ça, le gouvernement était bien en place. Et il y avait un parlement qui fonctionnait. Il y avait un Sénat qui fonctionnait. Et l'assassinat du premier ministre Ngendandoum, eh bien, il faudrait vraiment essayer de le placer dans son contexte, dans la mesure où il apparaît que le Premier ministre Ngendandoum contrecarrait certains intérêts des pays européens qui passaient par, je vous l'accorde, par certains groupes Tutsi, du groupe qu'on appelait, je crois, parce qu'il y avait deux groupes, Casablanca et Moronvia. Alors, il a été éliminé plus pour des réseaux d'intérêts stratégiques, géostratégiques, que des intérêts vraiment ethniques. Tassien Sibomana, il y a eu, avec l'avènement de Michel Michombero, la suppression de partis politiques, sauf l'UPRONA. Pensez-vous que l'UPRONA avait intérêt à ce qu'il n'y ait plus monarchie, ou ça était un coup militaire qui ne peut pas être associé au parti UPRONA? Est-ce que l'UPRONA avait intérêt ou est-ce l'UPRONA qui est à l'origine de cela? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire parce que je n'étais pas là et je ne suis pas historien. Peut-être que mon professeur Zovio peut en dire davantage. Mais à ce que je sache, l'UPRONA n'a jamais été l'apanage des putsch, des coups d'État. Par contre, l'UPRONA a toujours subi ou a toujours été utilisé par ceux-là même qui avaient conçu et planifié ces coups d'État. Aussi bien probablement celui qui a renversé le roi Mwambutsa, comme ceux qui se sont succédés après. Un officier, probablement avec un groupe d'officiers autour de lui, s'autoproclamait président de la République, et d'un coup il s'autoproclamait soit président du parti, soit secrétaire général. Et le parti était obligé de danser au rythme de son major, de son capitaine et de son colonel. Je suis convaincu que même du temps de la chute de la monarchie, la chose doit s'être passée dans le même ordre. Mais par contre, je pense que Zovio, qui est historien en même temps que président d'un parti monarchiste, il peut nous en dire davantage. Moi, je pense qu'il y a au moins trois ingrédients qui ont milité en faveur de la chute de la monarchie. Il a dit déjà que certains intérêts géopolitiques sont évidents dans la chute de la monarchie. Il y a aussi, effectivement, cette façon d'imiter les autres pays africains, où après les indépendances, c'était soit les militaires qui devenaient présidents, ou juste après, quelques années après les indépendances, ce sont les militaires qui ont chassé ceux qui avaient combattu pour les indépendances et qui se sont autoproclamés président de la République pendant des années même. Et donc le courant, mine de rien, n'a pas épargné le Burundi. C'est pourquoi, d'ailleurs, corollairement à cela, il y avait des gens qui avaient fait l'Europe et qui voyaient que être dirigé par quelqu'un qui se dit être né avec des semences en main pour mériter le pouvoir, ce n'était pas évident, avec des intellectuels qui venaient de faire des universités européennes. Donc, quelque part, il y a des raisons exogènes qui ont milité en faveur de la chute de la monarchie, sans parler, bien évidemment, on ne se le cache pas, cette révolution qui a hanté la majorité Hutu. Il ne faut pas qu'on se le cache. Cet élan révolutionnaire qui hantait la majorité ethnique à partir de 1959 au Rwanda n'avait jamais cessé de hanter quelques Hutus du Burundi, politiciens comme militaires, de renverser le pouvoir pour être considérés comme les Hutus du Rwanda qui, à un certain moment, les prenaient pour des Hutus de seconde zone. Mais en même temps, les Hutus accusaient le système monarchique d'être trop complaisant par rapport aux Tutsis qu'aux Hutus, et que de surcroît, il faudrait peut-être un changement au niveau de la gouvernance. C'est vous qui le dites. Même aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui chantent, qui veulent entendre que les Hutus étaient mieux considérés au niveau de la cour. Peut-être que c'est toi qui le dis, mais les autres, allez-y, demandez, même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je pense que la vie est tout à fait autre. Ambassadeur Anatole, il y a 52 ans que la monarchie a été renversée. Le système républicain remplace le système monarchique. À votre avis, comment aujourd'hui appréciez-vous cette situation? Merci beaucoup. L'avènement de la République le 28 novembre 1966 est pour moi une très mauvaise affaire pour le Burundi et pour les Burundis aussi. Parce que, comme viennent de le dire mes collègues ici, et j'ajouterai d'ailleurs quelque chose, les Hutus du Burundi ont été majoritairement monarchistes, si quelqu'un ne le savait pas. Parce que la monarchie burundaise a été souvent juste en faveur du peuple burundais, en particulier à l'endroit des Bahutus. À l'époque où la monarchie se basait. Oui, bien sûr, parce que les Bahutus font partie de ça. Intellectuels et paysans confondus. Intellectuels et paysans confondus. Parce que la monarchie burundaise se basait sur le clanisme, qui est une donnée naturelle au Burundi. Tandis que la République est venue se baser sur les ethnies. Déjà à ce niveau, c'est une mauvaise affaire pour le Burundi. Et remplacer une monarchie séculaire par une république illégitime, puisque la monarchie était quand même quelque part légitime et respectée, et le remplacer par un régime dit républicain, alors qu'il n'en était rien, c'est vraiment une mauvaise affaire au Burundi, comme je disais. Parce que quand on parle de république, moi je ne suis pas d'accord, c'était une dictature plutôt militaire. Parce que république, ça veut dire que le peuple est consulté, res publica, comme on dit. Il n'en était rien. Mais il y avait des signes avant-coureurs qui montraient l'avènement de ce changement. C'est vrai que la conjoncture à l'époque, au niveau régional et international, était favorable à un changement du régime monarchique. Parce que dans l'ère du temps, c'était des républiques ailleurs en Afrique. Mais on avait déjà remarqué qu'avec déjà l'indépendance qui avait mise en place, qui avait été remplacée par une monarchie constitutionnelle, que le pouvoir du roi avait été fortement diminué. Et je me rappelle d'ailleurs que le roi Mwambutsa s'en plaignait beaucoup. Vous savez qu'il a nommé beaucoup de premiers ministres Je peux citer André Muhirwa, je peux citer Bamina. On parle plus d'une dizaine de gouvernements. Vraiment. Et à l'époque, ce sont des premiers ministres qui, surtout Pierre Ngendandoum, qui ont été empêchés de gouverner par ce que moi j'appellerais un groupuscule qui était déjà né. Et c'est ce groupuscule qui finalement a empêché au premier ministre de gouverner par l'intermédiaire du roi qu'il avait nommé, qui finalement a consommé le coup d'État. D'ailleurs, moi, je comparerai la période de 62 à 65 à la période de 93 à 96. 93, l'avènement de la République, Dada Yetiwe, tous ses successeurs sont empêchés de gouverner par un groupuscule. Le même groupuscule qui a empêché au premier ministre successif de gouverner de 62 à 66 jusqu'au coup d'État. Et vous savez qu'en 93, il y a eu un empêchement de gouverner jusqu'au coup d'État de 96. Donc, pour finir, je dois dire que l'avènement de la République, qui n'en était pas un, est une mauvaise affaire pour le Burundi et son peuple. On revient sur l'aspect de République qui est un peu incompatible avec un coup de force. Est-ce que la façon d'accéder au pouvoir peut empêcher d'asseoir un système juste pour nous retrouver dans une République à l'époque? Si je comprends bien, oui. La façon d'accéder au pouvoir... Je me dis qu'il y a plusieurs Parce que l'ambassadeur Anatole vient de dire, je me demande si il y a une même république. Parce que parler de république, c'est le peuple qui dispose de lui-même et participe dans la gestion de la chose publique. Oui, il est visible que la république qui a été instaurée en 1966 était réellement une république, entre guillemets, une république... totalitaire, tout à fait, parce que déjà à partir du moment où on instaure un parti unique, donc les voies d'expression se restreignent jusque dans ce parti unique, vous voyez. Donc le jeu démocratique n'existe plus. C'est pourquoi je rejoins l'ambassadeur Bacharamo qui dit que c'était vraiment des républiques entre guillemets, parce que ce n'était plus des monarchies. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas une monarchie, c'est une république, mais les types de républiques, il y en a de plusieurs sortes. Là, on peut passer de ce type de république totalitaire, dictatoriale, à des régimes républicains démocratiques. Alors aujourd'hui, il est clair qu'avec l'avènement du multipartisme, par exemple, nous avons vraiment évolué. Avec des soubresauts, bien sûr, comme il a dit, de 93. Mais nous allons visiblement vers réellement une république démocratique, multipartite, ce qui n'était pas du tout le cas en 1966, ce qui n'était pas la volonté de ceux qui ont renversé le pouvoir. Jusqu'en 1993. Oui. Ce n'était pas du tout la volonté de ceux qui ont renversé la monarchie. Parce que on peut même se demander si un homme comme Michombero était un républicain ou c'était un monarchiste déguisé, d'ailleurs qui pratiquait pratiquement une monarchie absolue, alors que nous sortions d'une monarchie parlementaire, vous voyez. Alors, pour vous dire que le type, la façon d'accéder au pouvoir ne démontre pas du tout le caractère républicain, mais c'est plutôt les éléments qui sont connus dans cette république qui montrent que cette république est vraiment une république pour tout le monde. C'est ça que vous parlez d'une évolution, qu'au départ on a connu une république totalitaire, et aujourd'hui qu'on connaît une république à caractère démocratique. Tassé Sibomana, pensez-vous que le Burundi aurait-il évolué dans ce sens du système démocratique? Pensez-vous que l'évolution est positive? comme le professeur Zovio, je l'appelle professeur parce qu'il m'a enseigné. Vous gardez toujours le respect envers vous. Donc, outre les autres acquaintances. Alors, ce n'est pas vrai quand vous dites que la monarchie diffère de la République parce que la République émane de la volonté populaire pour parler élection ou pas. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir beaucoup de ressemblances entre une monarchie et une république, suivant le genre de monarque et le genre de chef de gouvernement ou de président de la République dont dispose le pays en question. Le roi peut être dictatorial, et on en connaît. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe dans certains pays que je ne peux pas citer ici, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission, mais vous les connaissez. Il y a aussi des présidents dictateurs. Je crois que je ne fais pas quand même un mensonge et honte de dire cela. Alors, est-ce que la monarchie, est-ce qu'aujourd'hui qu'on est gouverné par un système républicain, est-ce qu'on est bien gouverné que sous la monarchie? La réponse est peut-être oui, peut-être non. Chaque système a ses points forts comme il y a ses points faibles. Il faut chaque fois relativiser. On ne peut pas dire qu'à la monarchie, tout était rose. On ne peut pas non plus dire que sous la République, tout marche à merveille. Loin de là. On a des preuves abondantes pour dire ce qui n'allait pas bien sous la monarchie. On a aussi des preuves surabondantes pour dire ce qui n'a pas bien marché et ce qui continue à mal marcher sous la République. Pour me résumer, il y a des éléments qui fondent l'État, qu'il soit monarchique ou républicain, qu'il importe de voir si réellement ces éléments ont été respectés sous le régime monarchique ou le sont sous le régime républicain. C'est là où on peut dégager les éléments qui peuvent nous dire ou qui peuvent aller dans l'assertion de dire que le Burundi était bien géré sous la monarchie, qu'il ne l'est sous la République. Ou vice-versa. Ici, on milite même pour le retour de la monarchie. Vous dites que c'est toujours à relativiser, mais finalement, le débat reste à ce niveau. Oui, moi, je suis très clair. Sur ce, je n'ai jamais été monarchique parce que je n'étais pas encore né. Probablement que si j'étais là, j'aurais apprécié la chose favorablement ou défavorablement, suivant les critères d'appréciation. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas convaincu que le système monarchique répondrait mieux aux soucis du peuple burundais. Il y a beaucoup de choses, mine de rien, qui ont évolué. Tu ne peux pas me dire, et il y en a qui peuvent tomber dans ce piège, croyant qu'ils peuvent se faire passer pour des monarques. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, les Burundais ont fréquenté l'école. Depuis un certain temps quand même, il y a beaucoup de Burundais qui ont fréquenté l'école, d'ici comme d'ailleurs. Et de la dire qu'ils peuvent accepter quelqu'un qu'on leur colle sous le prétexte fallacieux qu'il est né avec les semences, je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de Burundais qui peuvent encore marcher sur cette cadence. Ne fût-ce qu'à ce titre, Je pense que les ovieux mieux placés pour vous dire. Vous refutez les enseignements de votre historien. Ce qui me concerne, même à ce titre, moi je ne serais pas preneur. Et je sais que les Burundais. Beaucoup de Burundais qui ont fréquenté les corps ne sont pas preneurs, ne fût-ce qu'à ce titre seulement. Vous savez, monsieur Chouvalier, ambassadeur de Dieu. Lui, effectivement, il a été mon élève d'histoire. Et il dit d'abord, il a donné un argument assez bizarre en disant qu'il ne peut pas être monarchiste parce qu'il est né après la monarchie. Mais moi, je connais son père. Son père, il s'appelait Kanyagiri. Moi, je suis convaincu que c'était un monarchiste convaincu. Je suis sûr et certain. Donc, pour vous dire que... Est-ce qu'il était ami avec ma base? Oui, parce qu'il était ami avec la famille. Ami à ses enfants. Moi, je le connais bien. À ses amis, petit-fils. Alors, pour vous dire cela que... Cela ne justifie pas que je suis monarchiste. Non. Bon, ça vous dit que... Parce que vous n'étiez pas encore... Bon, de toute façon, ce n'est pas le vrai problème. Le problème de justifier une monarchie ou une république doit faire l'objet d'une réflexion très profonde. Ce n'est pas un passant artificiellement sur des clichés comme quelqu'un qui est né avec des semences, que ce fait même fait qu'un intellectuel ne peut pas accepter d'être dirigé par quelqu'un qui est né avec des semences. Mais parce que l'intellectuel doit comprendre que cette question de celui qui est né avec des semences, c'est juste un symbolique. C'est juste une image qu'on donne à celui qu'on a dit que le Bashiganahe. Les gens du secret ont décidé que c'est lui qui va être élevé pour être le roi de son pays. Est-ce qu'à 4 ans, on peut déjà voir en cet enfant vraiment les meilleures qualités d'un leader charismatique? Parmi les enfants... C'est ça en fait la problématique. Oui, mais parmi les enfants qui sont là, les enfants du roi en place, eh bien, il y a certains tests, mine de rien, qui démontrent qu'en grandissant, en l'éduquant pour cela, en l'éduquant pour ce tambour, il sera un roi parce que pourquoi est-ce qu'on choisissait un petit enfant? Mais peut-être que c'est un des aspects de la monarchie, mais parlons globalement. Si vous militez pour le retour de la monarchie, vous êtes un seul parti. Peut-être qu'on peut vous parler d'une voix dissonante par rapport à d'autres voix. Quels sont les arguments que vous avancez pour contrebalancer la République aujourd'hui? Je vous remercie. Mais, je voulais, si vous permettez que je puisse quand même, en quelques mots... essayer de démontrer que quand des barondis, des vieux Bashiganahe s'assoient ensemble et qu'ils désignent un enfant parmi d'autres enfants et décident que c'est lui qui... On va présenter au barondis que c'est lui qui est né avec des semences. C'est un symbolique. Pour vous, de toute façon, il devait y avoir chaque fois un mode de désignation. Si ce n'est pas par les semences, ça devait passer par un autre moyen. Oui, et ceux qui disaient qu'il était né pour gouverner le pays, parmi les autres enfants, sachez que c'était les gens qu'on appelait les gens du secret à Banyamabanga. Et c'est Banyamabanga, comme l'ambassadeur Bachanamo l'a dit, ils étaient issus de beaucoup de clans, aussi bien Hutu, Tutsi que Ganois. Donc, en fait, c'était une sorte de commission, de conseil ou de comité qui décidait et qui allait l'élever jusqu'à ce qu'il puisse atteindre sa majorité intellectuelle et gouverner. Donc, pour vous dire qu'en réalité... Mais vous n'allez pas me dire que être né avec des semences, avoir accédé au pouvoir avec la Kalachnikov dans les mains est beaucoup plus élégant ou beaucoup mieux que celui qui démachine un art et désigne comme le futur roi et qu'on va l'éduquer dans le sens d'être un homme impartial parfait. Alors, les arguments, voilà, mais je vous remercie. Les arguments sont, bon, ici, on peut les classer de plusieurs types, sous plusieurs types d'éléments. D'abord, il y a les arguments qui sont nés après 93 et les arguments naturels. Les arguments naturels sont ceux-ci. C'est que la monarchie a toujours démontré son caractère fédérateur. Il n'a jamais démontré il a toujours démontré que dans un royaume qui possède un roi, eh bien personne ne doit se sentir exclu. Et ça, c'est très important. Ce que nous avons vu avec les régimes qui se sont succédés, c'était des régimes qui étaient basés sur l'exclusion. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, on parle des Bahima qui étaient exclus par rapport à la gestion de la monarchie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les Bahima qui étaient exclus. Il y avait des groupes de dissidence. Et chaque dissident avait des sanctions sociales. C'est normal. Et être relégué, par exemple, du côté de Bururi. Quitter la région de Muramvya, c'est que le roi décidait, ces gens-là sont vraiment des révoltés, des dissidents. On les met à côté. Aujourd'hui, on les met en prison. Vous voyez? Vous comprenez? Mais les Bahima, dans leur ensemble, d'abord, les Bahima, ils sont de beaucoup, beaucoup de clans, vous comprenez? Donc vous n'allez pas me dire que tous les clans de Brahima étaient exclus, c'est impossible. Ça c'est une idéologie qui a été importée pour justifier... Le coup d'État. Oui, et pour justifier aussi la succession des Brahima qui se sont succédés dans le régime militaire. Mais sinon, si nous revenons à notre question, la monarchie possède un caractère fédérateur que la République ne possède pas. Ça, c'est parce un que le premier roi, argument. C'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est que le roi lui-même, en tant que roi, il symbolise mieux la nation burundaise qu'un président de la République. Et même, je voudrais vous ajouter que... C'est un ajout par rapport à cet élément de fédérateur. Fédérateur. Et je voudrais même ajouter que cette question est de passation du pouvoir entre lui et son successeur, n'est-ce pas? Eh bien, il permet de réguler le pouvoir au sommet et de garder les appétits, vous comprenez, à un rang inférieur au niveau de gouvernement ou des élections de l'Assemblée du Sénat. Et donc, c'est un élément de stabilité. Ici, je veux vous donner même un exemple. Je peux vous donner... Très brièvement, parce que je voudrais savoir aussi si aujourd'hui, on acceptait tous ces arguments, à votre avis, qui pourrait être le roi au Burundi. Mosaïque. Oui, on va y revenir. Mais je voulais juste vous dire que des exemples que je voudrais vous donner. L'exemple récent, c'est l'Espagne. L'Espagne, quand le dictateur Franco est mort, les Espagnols ont été désemparés. Ils ne savaient pas quoi faire. Tout ce qui a redonné la stabilité à l'Espagne, c'est le roi Juan Carlos, qui a été réinstauré. Et aujourd'hui, l'Espagne, c'est un état stable, où il n'y a plus d'appétit. Jusqu'au sommet, il n'y a plus de coup d'État en Espagne. Je peux vous dire, souvent, on me dit que la Belgique, il y a eu des antagonismes, souvent d'ordre linguistique ou ethnique, entre les Wallons et les Français. Je vous dis que s'il n'y avait pas le roi aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si la Belgique existerait en tant que nation. On peut se poser la question. Ça, c'est pour étayer votre argumentaire. Mais je pose la question, oui. Si on revenait à la monarchie, qui serait le roi? Non, avant de me poser cette question, je voudrais vous donner la légitimité du parti que je représente. La légitimité se trouve dans l'article 4 de la Constitution. Et cet article 4 est venu de l'accord d'Arusha pour la paix d'Arusha qui... a dit que le régime monarchique pourra être restauré, n'est-ce pas, par la volonté du peuple. Par la volonté du peuple. Et là, à ce niveau, on ne conteste pas la légitimité de votre parti, mais on voudrait, si vos avis et si vos arguments sont acceptés, comment pensez-vous arriver à un système monarchique? Parce qu'il nous faut un roi. Il faut que le parti monarchique parlementaire gagne les élections. S'il gagne les élections... Eh bien, il va faire un référendum. Et s'il fait faire un référendum, eh bien, on va retourner à la monarchie. Ça peut être M. Guillaume ou n'importe quel autre. Ou n'importe qui. Et de préférence, nous allons retourner à nos traditions. Permettez, je vais passer la parole à l'ambassadeur Anatole Bachanamo. Il y a l'ambassadeur Guillaume Elzovio qui milite pour le retour de la monarchie. À votre niveau, pensez-vous que ces arguments sont fondés? Des Burundais, nous devons apprendre à lire notre constitution. La nouvelle constitution qui vient d'être promulguée en 2018, en ce chapitre 4, parle justement de la monarchie. Pour qu'il y ait retour à la monarchie au Burundi, il faut effectivement un référendum. Et c'est une nécessité. Avant, on disait qu'on pouvait faire un référendum, mais on dit qu'on doit faire un référendum. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des vérités qui sont à peine voilées aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de comparer le régime monarchique au régime républicain qu'on a connu. Déjà, au niveau du bilan, la monarchie s'impose par rapport à la République. Parce que Si nous retournons un peu dans la monarchie, au niveau historique, au niveau historique, vous savez que la monarchie a quand même agrandi au Burundi à l'époque d'Ontare Rugamba, 19e siècle. Même à partir d'Ontare Rushatsi. À partir d'Ontare Rushatsi, ça c'est quand même un bilan positif. Vous savez que la monarchie a défendu le Burundi à l'époque d'Omezi Gisabo avec les Allemands, et même avant, avec les esclavagistes, avec Ringuni et autres. Mais c'était l'époque des expéditions. Avec la République, on ne pouvait plus faire des expéditions ça, parce que les limites des pays étaient déjà fixées. Ça, je vais y arriver. Mm-hmm. La monarchie aussi est comptable de l'unification des Burundi. À l'époque monarchique, les Burundais, on était unis. Mais si je viens, j'en viens à la République, j'ajoute aussi que la monarchie, les chefs traditionnels avaient une certaine générosité qu'on ne remarque pas au niveau de la République. Et justement, au niveau de la République qui a commencé en 66 jusqu'en 93, là je parle de la République dictatoriale, est comptable quand même de beaucoup de morts. 62, 65, 69. 72, 88, 93 et j'en passe. C'est quand même un bilan macabre. Il faut le dire. Et ça, c'est inévitable. Parce qu'ici, on parle des faits. Et aussi, au niveau justement de la République, moi, je me demande quel est le point positif qu'on pourrait en tirer. Bon, on parle de la première, de la deuxième, de la troisième république. Moi, je dirais que c'est tout. La république, c'est le même système. On n'a pas vu beaucoup de changements. Je ne dis pas que tout est rose maintenant que nous sommes dans la république démocratique, mais quand même, nous avons connu un virage de quand même de 180 degrés. Je peux déjà m'en arrêter là. C'est Honorable Tassien qui rebondit par rapport à vos propos. Non, comme je l'ai dit, ça peut faire rigoler plus d'un. Comme je l'ai dit, un roi peut être un tyran. On en a connu dans l'histoire et on en connaît même aujourd'hui. Un président peut être tyran. On les a connus, on continue à les connaître. Donc, qu'on ne chante pas que c'est sous la République que les pays ont été bien gérés, ont été bien gouvernés. Qu'on ne le chante pas non plus que c'est sous la monarchie que les pays ont été bien gérés, bien gouvernés. Il y en a qui peuvent vous dire, justement, mon professeur Zovio disait que sous la monarchie, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le roi était viré vers une autre région ou déporté, comme on peut l'appeler. Sur la République, il croit que c'est une bonne pratique. Sur la République, on le dit, oui. Justement, ce n'est pas une chose qu'il faut vendre. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une autorité, futur roi, futur chef de l'État, issu des élections ou pas, il y a des lois pour le gérer. Ce n'est pas la déportation, ce n'est pas l'emprisonnement ou les enlèvements ou la mise à l'écart dans la gestion de la chose publique. Il y a des textes pour ça. Tout délinquant, il a sa façon d'être traité. Et tout est écrit dans les textes. Mais que le roi s'arroge le droit de faire des déportations, qu'un président X s'arroge le droit d'éliminer des gens parce qu'il voit autrement, comment le pays devrait être gouverné, on ne peut pas chanter ni le roi qui travaillait ainsi, et encore moins le président ou un républicain qui travaille ainsi. Ce sont tous des mauvais dirigeants. Alors, je pense qu'effectivement, si on regarde de près, il y a des points positifs sur la monarchie. Je suis d'avis qu'ils reconnaissaient le rôle de Bashinganay. On m'apprend de par l'histoire. Encore une fois, Zovio est là pour nous donner la vraie version. Il y a une histoire qui dit qu'il y aurait eu des velléités de vendre le lac Tanganyika et que les notables autour du roi lui en ont dissuadé. Il a été obligé d'obtempérer. Mais ce n'est pas le cas nécessairement sous la République. Là aussi, ça dépend des rois. Je ne sais pas si tous les rois auraient accepté s'ils avaient déjà pris l'option d'opposer un acte comme celui-là. Mais là où je suis d'accord avec le prédécesseurs. Mais si vous parlez de la République, il y a ambassadeur Anatole qui parle de deux républiques connues au Burundi, République totalitaire et République démocratique. Encore une fois, moi je ne suis pas venu ici pour ce débat. S'il fallait démontrer les maux qui ont caractérisé toutes les républiques, y compris celles que nous vivons aujourd'hui, je pense qu'on aurait des livres à écrire. Ce n'est pas Chanamo qui peut me contredire. Même celle d'aujourd'hui, je peux vous donner tout un livre sur les mots qui nous minent, malgré la présence de ce que vous appelez République démocratique. Et là, si alors, je n'en dis pas plus. Alors, je pense qu'effectivement, sur la monarchie, il y avait le roi qui symbolisait l'unité, qui symbolisait un père de la nation, comme on dit. Mais encore une fois, ça dépendait effectivement de quel type de roi. Ça dépendait de l'équipe autour de lui. Ça dépendait des actes qu'il posait. Mais il y a d'autres quand même, d'autres mots qui ont mené la société sous la monarchie. Il y avait le phénomène de soudoyer les gens. Quand un roi passait et qu'il voyait une bonne génisse, il exigeait qu'on l'amène chez lui. Ça, c'est Michombeau qui était champion. Honorable Tassier, sans être membre du parti monarchiste au Burundi, est-ce que pensez-vous que vous pouvez soutenir dans certains arguments ambassadeur Guillaume lorsqu'il milite pour le retour de la monarchie? Moi, je ne dirais pas que je ne serais pas. Je serais contre ou je serais pour. Il n'a pas encore vendu justement les mérites de son parti ou les raisons fondamentales qui militent en faveur du retour à la monarchie. Le jour où il me convaincra, moi je ne suis pas figé, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui change les couleurs suivant la couleur du temps, suivant la couleur du jour. C'est dans le futur, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces arguments... Je n'ai pas encore compris ce qu'il cherche en créant un parti type monarchiste. Est-ce que ça ne suffit pas de chanter le passé? Il faut plutôt se mettre dans la place du roi qui gouvernerait le Burundi d'aujourd'hui, et non pas celui de 50. Comme je vous le disais, il y dirigeait le pays avec des sages non instruits, qui avaient leur force, mais qui avaient leur faiblesse. Est-ce qu'aujourd'hui, un roi burundais, face à une multitude de cadres diplômés, vous croyez qu'il peut se comporter comme un roi de 60, des années 40? Il devrait aussi être diplômé, lui aussi. Et c'est ça, justement. Donc, voilà, par exemple. Encore qu'il faut différencier les deux types de monarchie. La monarchie traditionnelle, pure et dure, et la monarchie parlementaire ou constitutionnelle. Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. Est-ce que tu crois que maintenant... la Grande-Bretagne, la Belgique, les autres monarchies type constitutionnelles. Est-ce que vous croyez qu'il y a tellement de différences avec les républiques? C'est vrai, il y a quelques pouvoirs qui sont dévolus à la monarque, au roi ou à la reine, mais soyez rassurés que c'est le premier ministre qui gouverne. Bien sûr. Tout cela, n'a pas encore expliqué au peuple burundais que réellement. Il va à la monarchie type traditionnelle ou la monarchie constitutionnelle, et les bienfaits qu'il escompte améliorer par rapport à la République. Avant de passer la parole à l'ambassadeur Guillaume Elozovier, je reviens à l'ambassadeur parce que vous, ambassadeur Anatole, vous avez donné une comparaison entre ce qui allait bien avec la monarchie, mais également avec la République et les méfaits de deux côtés. Mais par rapport à la cause défendue par l'ambassadeur Guillaume Elozovier, vous n'avez pas dit un mot. Pensez-vous que le retour de la monarchie est envisageable? Merci, monsieur le journaliste. Soyez réaliste, aujourd'hui, il serait difficile que le Burundi se dise nous retournons à la monarchie par référendum. Mais cela n'explique pas que... L'initiative de ce référendum serait déjà un problème pour y penser même. Dans les conditions actuelles, ça me paraît difficile. Mais par contre, l'existence d'un parti monarchique se justifie. Parce que vous savez qu'il y a des partis politiques, la plupart des partis politiques ici au Burundi n'ont pas beaucoup de chance de diriger le Burundi. Mais ils ont des idées, ils contribuent à l'avancement de la démocratie. Moi, je pense qu'il y a des valeurs monarchiques que mon confrère, mon collègue ambassadeur Ouzouvio défend et qui se défendent. Mais Donc, aider à ce que les valeurs monarchiques soient incorporées dans un système république, c'est à vous entendre. Désolé, c'est une chose de son contraire. En fait, la République est démocratique. Si vous voyez les bienfaits de système monarchique, pourquoi ne pas le défendre? Tantôt, vous disiez que le Burundi a connu un mauvais revers avec l'avènement de la République. Mais quand on vous demande s'il faut réinstaurer la monarchie, vous dites que ce n'est plus possible. Attention, j'ai distingué les deux étapes de la République. J'ai distingué l'époque de la République dictatoriale, sous les Micombero et consorts, et je distingue aussi la République démocratique actuelle. Là, il y a vraiment une grosse différence. D'ailleurs, moi, j'ai fait une petite comparaison avant de venir. Vous savez comment la Première République a mis fin à la monarchie? Vous savez comment ils ont tué le roi Charles Zeye? J'ai regardé, c'est exactement le même modus operandi comme l'assassinat d'Ondadaye. Je l'ai lu dans les détails et j'ai eu froid au dos. Je me suis dit, la République est vraiment dictatoriale. Moi, si la République dictatoriale revenait au Burundi, moi je prendrais fuite. Je préfère de loin le retour à la monarchie que de la République dictatoriale. Mais il limite la monarchie parlementaire. Oui, ça c'est possible, mais aujourd'hui, ce sera difficile aussi, disons-le. Mais monsieur ambassadeur, est-ce que vous savez que le 1er juillet 1962, le royaume du Burundi, le roi Mwambutsa qui a proclamé l'indépendance du Burundi, était un monarque parlementaire qui devait s'appuyer sur le Sénat et le Parlement. Sur le gouvernement. Donc, ne retournons plus, M. Tassien, ne retournons plus dans ces histoires de monarchie traditionnelle. Je voulais vous entendre le dire. Moi, je vous ai enseigné l'histoire. Je vous ai dit que le royaume du Burundi était un royaume parlementaire. Donc, un royaume qui remplissait tous les critères. Vous risquez de le prendre un élève rebelle. Il a oublié ce que je lui ai assis. Non. Il a oublié parce que... Il faut le dire au peuple, parce que vous n'allez pas convaincre M. Tassier qui vous soyez à la limite. Il y a très difficile à convaincre. J'ai un certain nombre de membres du parti qui sont très convaincus. Et de toutes les ethnies, ça je peux vous le dire, qui sont convaincus des bienfaits de la monarchie parlementaire. Donc, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Comme je ne les connais pas beaucoup. Oui, ne parlons plus de cette monarchie traditionnelle où c'était effectivement des illettrés, et même le roi aussi était illettré. Il n'y avait pas le système d'écriture. Donc, mais sachez que ce régime qui est né de la volonté de tous les Burundis, était vraiment considéré comme un des meilleurs, même pas les premiers Européens qui sont arrivés. Légitime en tout cas. Oui, qui sont arrivés. Ils ont été étonnés de la démocratie qui se trouvait dans la sagesse qui dirigeait son pays. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés qu'il y ait un parti monarchique. Ne soyez pas du tout étonnés. Et il est né de la volonté des politiciens qui étaient à Arusha. Eh bien, moi, en tant que président de ce parti, je vais essayer de militer, je vais essayer de trouver le plus grand nombre possible de membres. Pour convaincre vos partenaires, oui, pour qu'ils s'y rendent, sinon vous n'allez pas avoir de cadre pour le dire. Mais nous sommes vers la fin de cette émission. Avec ce débat, on a compris que tout système en soi peut se révéler efficace, en même temps démontrer des vices, et que ce n'est pas l'appellation qui sera le moteur d'un système de gouvernance apprécié par la population ou pas. À votre avis, entre république et monarchie, quels sont attirés pour l'intérêt de la bonne gouvernance au Burundi? Moi, je regarde ce qui s'est passé depuis le renversement de la monarchie en 1966. Je vois beaucoup de problèmes vraiment qui... tout nouveau, qui n'existait pas sous le royaume du Burundi. C'est, écoutez, ces histoires de régionalisme, ces histoires d'ethnisme, vous savez bien que pendant que le Rwanda brûlait, le Burundi est resté un pays pour tout le monde et le parti prenant de M. Tansi a gagné haut la main les élections législatives où tout Ganois et toi, tout le monde, eh bien, était derrière le prince Louis Rwagasore. Mais il y a Tassien qui vous conseille en tant que professeur d'histoire de ne pas vous figer dans l'histoire et aussi de projeter dans l'avenir. Et pour l'avenir, quel système faudrait-il instaurer ou quelles sont les valeurs qu'il faut véhiculer quand il faut parler de gouvernance au-delà des appellations monarchie et république. Oui, ce sont des valeurs des valeurs fondamentales comme le patriotisme. Et le patriotisme transparaît dans la gouvernance, vous voyez. Ou quand vous gouvernez, et vous devez penser à tout le monde. Il y a le patriotisme, donc appelle l'amour de la patrie, n'est-ce pas? Sur toutes les formes d'amour de la patrie, c'est-à-dire qui apparaît au travail, qui apparaît dans les relations que vous avez avec vos voisins, tout ça. Et donc, à côté du patriotisme, il y a le sens de la justice. Le sens de la justice est très important. C'est le régime de l'exclusion. Le régime de l'exclusion. Ou ne pas exclure quelqu'un pour des raisons de région ou de non-appartenance à votre clan ou à votre quoi. Donc, le patriotisme, l'amour de la patrie, l'impartialité, le sens de la justice, toutes ces valeurs qui vraiment ont été, nous ont été transmises par de père en fils depuis l'avènement du royaume de Ntarerushatsi. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé depuis l'avènement de la République, toutes ces valeurs ont été perdus. Donc, en attendant le retour de la monarchie, vous serez content que ces valeurs soient incorporées dans le système républicain, tout de même. Et oui, ce serait un rêve, mais ce qu'ils nous ont transmis, les tombeurs du royaume, ils nous ont transmis de mauvais réflexes. N'est-ce pas? Et il faudra beaucoup d'années pour vraiment essayer. Apparemment, vous vous y accoutumez allègrement. Non, il faudra beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour y remédier. Merci. Je passe la parole à l'ambassadeur Anatole Bachanamou. C'est vrai que vous avez fait un comparatif et que dans les deux systèmes, on peut trouver ce qui est bien, ce qui n'a pas été bien. Mais tout de même, pour l'avenir, quelle serait la leçon à tirer entre les deux systèmes, la monarchie et la république, pour une bonne gouvernance au Burundi? Merci. Pour une meilleure gouvernance au Burundi, il faut tirer des deux côtés ce qui est positif. Au niveau de la monarchie, il y avait du positif et du négatif, évidemment. Au niveau de la république démocratique, il y a du positif et quelque part du négatif. Mais du côté de la République dictatoriale, je n'ai pas trouvé quelque chose de positif. Sauf peut-être au niveau de la Deuxième République, avec l'essor économique. Ça, Avec le régime de Jean-Baptiste Bagaza, il y a eu un léger mieux par rapport à Michombero et à celui qui a suivi. Donc je ne me rappelle plus le nom. Tant que l'on parle de première et deuxième, on est à la quantième république. Non. Je répète, de 66 à 93, on était toujours dans une seule république. Pas de première, pas de deuxième, pas de troisième, parce que c'est le même système. C'est la république. Par contre, maintenant, nous sommes dans une autre république. Parce que nous sommes dans une république. La quantième. Nous sommes dans une république démocratique. Donc, ce n'est pas bien de parler de chiffres, mais là, on parle de différence au niveau de la gouvernance. Donc, ce qu'il faudrait promouvoir, c'est effectivement promouvoir la compétence. Se battre contre le régionalisme et l'ethnisme qui ont caractérisé les républiques dictatoriales et mettre en avant la compétence. Et ça, c'est ce que nous espérons tous. Honorable Thacien Siomana, aujourd'hui, entre monarchie et république, deux systèmes qui ont des points faibles et des points forts en même temps, quelles sont à tirer pour une bonne gouvernance au Burundi? Oui, merci. Effectivement, comme je le disais, vous faites bien de le répéter. Chaque système peut avoir ses points faibles, ses points forts. Essayons donc d'évaluer le temps de la monarchie, le temps des républiques, pour essayer de bâtir un Burundi basé sur des valeurs positives. Si on trouve que ces valeurs étaient bien défendues sous la monarchie, qu'on les incorpore dans nos textes qui font de la République, et que tout dirigeant soit obligé de s'y référer. Ça, c'est le principe général. Mais sinon, que mon professeur me comprenne, il y a maintenant des principes qui guident la gestion des États modernes, qui n'existaient pas du temps de la monarchie. Et quand même, on ne peut pas faire marche arrière. Il faut plutôt avancer. Partir de ces principes sacro-saints qui guident la gestion des États modernes aujourd'hui, pour justement améliorer et avoir un système sui generis propre au Burundi qui intègre toutes ces valeurs qu'on peut admirer du temps de la monarchie et d'autres qui se trouvent justement dans ces principes qui guident la gestion des États modernes. Et tout cela doit être consigné dans les textes de loi, qu'ils soient internes et internationaux. Et on les a. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, il se trouve que, ici comme ailleurs, quand on n'a pas de leader valable qui aime son peuple, qui veut le développer, qui se soucie de ses malheurs, tous ces textes ne sont qu'en vain mots. Donc, en troisième lieu, donc, il nous faut un leader charismatique. Un monarque peut être un tyran, comme je l'ai dit. Un président, un chef d'un exécutif peut être un tyran. Mais pour ambassadeur Guillaume Elzovio, ça ne peut qu'être un monarque. Ça, c'est lui qui le dit. Mmh. Moi, je dis, il y a des principes qui guident la gestion des États modernes aujourd'hui. Il faut les incorporer, il faut les intégrer dans nos pratiques de gérer nos pays. Sinon, ça ne suffit pas d'être un président démocratiquement élu. Pour que demain, tu te retournes à ton électorat, que tu le traites comme des outils, comme des animaux, sans se référer justement à ces principes qui guident la gestion des États modernes. Ça ne suffit pas d'être élu démocratiquement pour que tout soit permis sous ton règne, loin de là. Donc, il ne faut pas qu'on compare la monarchie à la République sur base de celui qui a été élu démocratiquement. Tu peux provenir d'un coup d'État et bien gérer le pays. Tu peux même provenir d'une rébellion et bien gérer le pays. Les expériences ou les exemples ne sont pas loin. Voilà, merci. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour de deux systèmes qui ont caractérisé le Burundi, le système monarchique et le système républicain. 52 ans après la chute de la monarchie, et c'était le 28 novembre 1966 avec le coup d'État du capitaine Michel Michombero. Au plateau, nous étions avec trois invités. Nous remercions ambassadeur Guillaume Elzovio, président du parti monarchiste parlementaire du Burundi. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, tout en rappelant que, quoi qu'il en soit, j'ai compris que nous sommes tous tombés d'accord sur les valeurs qui doivent guider son pays et qu'un pays, une nation se bâtit sur des valeurs historique, sinon si on ne le tient pas en considération, on bâtit une nation sur du sable mouvant. Je dis également merci à l'ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé de la communication au parti FNL. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie beaucoup et Anamo, je dis vive la République démocratique. Nous disons également à l'honorable Tassien Sibomana merci pour avoir été des nôtres. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes élus, vous avez été élus au sein de la coalition Ami Zéro Yabarundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie. Je pense que mon professeur Zovio, une fois roi, il a fait allusion aux relations séculaires entre mon grand-père ou mon père avec, avec son grand-père, je pense que les relations séculaires vont rester. Absolument. Tout en militant pour la République et militer pour la monarchie, je pense que les relations doivent rester. On s'est compris. Je dis merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isangano dans l'émission Mosaïque. Je remercie Jérôme Nyonzima pour la réalisation de l'émission, François Akimana pour sa participation technique. Pacifique Chubairo était à l'animation de Mosaïque. À vous tous, continuez à suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.